cette année. Prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Jeudi 14 octobre, 19h, nos Patriotes hockey affrontent McGill au Colisée de Trois-Rivières. Dimanche 17 octobre, les Patriotes soccer affrontent McGill au Caps de l'UQTR. Féminin 13h, masculin 15h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. Les 15 et 16 octobre prochains, la bâtisse industrielle Trois-Rivières Metal en collaboration avec Musique de Daniel Côté, Lapus Rock et Cipou 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 10e édition. 14 groupes sur deux soirs mettant en vedette The Spice Icon, Martyr, Volonté Serge et Anonymous, Misery Index, Neuraxis et pour la première fois Trois-Rivières, Cannibal Corpse. Billets en vente chez Musique Daniel Côté, au Calimaçon et au TroisRivièresMetal.com au coût de 35$ pour un soir ou 60$ pour les deux soirs. Quantité limitée. C'est des compilations doubles remis gratuitement à l'entrée d'une gracieuseté de Galley Records. Les 15 et 16 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Tijon Métal! Pour tous les détails, visitez le TroisRivièresMetal.com. Archambault, haut lieu de découverte culturelle avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Tu aimerais participer à porter le Québec vers la défense d'une société égalitaire, généreuse et viable? Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2010, une marche régionale sera organisée à Trois-Rivières pour revendiquer l'autonomie économique des femmes, le bien commun et l'accès aux ressources, la prévention et la lutte contre les violences envers les femmes, la paix et la démilitarisation et les droits des femmes autochtones. Tous sont invités vendredi le 15 octobre à compter de 15h au Parc Champlain situé au centre-ville de Trois-Rivières. Les festivités se termineront par un spectacle au Musée québécois de culture populaire. Ne laisse pas passer la marche sans y prendre part. Ton implication pourrait être celle qui fait qu'en 2010, ça va marcher. Pour information et inscription, visite le www.tcmfm.ca. C'est fou, ça. 89.1. C'est fou, 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Véronique Bazinet. Je serai votre co-animatrice avec Jessica Boulanger pour la session optonale 2010. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation et ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Ce matin, le sujet de notre émission est le développement des maisons de naissance. En première partie, nous aurons la chance de discuter avec Sophie Beaudoin-Dion, une étudiante en pratique sage-femme de troisième année, qui a un intérêt marqué pour l'histoire de la profession et le développement des maisons de naissance au Québec. En deuxième partie, nous aurons la chance de nous entretenir avec Mme Catherine Gerbelli, sage-femme et chargée de projet pour le développement d'une maison de naissance dans la région de la Montérégie. Mme Gerbelli pourra mettre en lumière le rôle véritable d'une chargée de projet. J'espère que vous avez passé un bon congé de l'Action de grâce. Ce matin, nous aborderons le développement de la profession sage-femme au Québec, en se concentrant autour des projets en émergence. Comme vous le savez peut-être, les maisons de naissance ont démarré lors des projets pilotes dans les années 1990. Je vais vous donner un peu la définition d'une maison de naissance telle que définie par le regroupement des sages-femmes du Québec. Une maison de naissance, c'est un espace d'accueil pour les femmes enceintes et leurs familles. Une maison au cœur de la communauté qui accueille environ 300 naissances par année pour garder un caractère convivial. C'est un milieu distinct donc du domicile et du centre hospitalier. On y donne des services de première ligne. Les sages-femmes offrent un accompagnement global lors du suivi de grossesse, l'accouchement et le suivi postnatal qui s'étend jusqu'à 6 semaines de vie du nourrisson. La maison de naissance est également un endroit privilégié pour le développement de la pratique sage-femme, de la formation et de la recherche. La maison de naissance développe une vision sociale et citoyenne de la naissance. Ceci implique un partenariat avec les familles et les citoyennes. On y organise des activités communautaires en lien avec la périnatalité. Lors des projets pilotes, il y a eu 8 projets de maison de naissance en développement au même moment. Les projets visaient l'évaluation de la pratique sage-femme au Québec. Aujourd'hui, 7 de ces maisons initiales existent encore et 4 nouvelles ont été créées. Présentement, il y a plusieurs groupes citoyens qui s'organisent pour revendiquer des services sage-femme. D'ailleurs, le ministère de la Santé a promis l'ouverture de nouvelles maisons de naissance d'ici 2018. Ainsi, dans la politique de périnatalité du ministère de la Santé 2008-2018, on peut y lire un des objectifs suivants. Assurer aux femmes qui le désirent l'accès au service d'une sage-femme pour leur suivi de grossesse et leur permettre d'accoucher en milieu hospitalier, dans une maison de naissance ou bien à domicile. Pour ce faire, mettre sur pied 13 nouvelles maisons de naissance associées à autant d'établissements hospitaliers. D'ailleurs, pour consulter la politique de périnatalité 2008-2018, je vous invite à le consulter à l'adresse suivante www.publication.mss.gouv.qc.ca. Mais maintenant, accueillons Sophie Beaudoin-Dion, étudiante sage-femme de 3e année. Bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, merci. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous entretenir sur ton parcours étudiant jusqu'à ce jour? Oui, tout à fait. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, je suis au tout début de ma 3e année au bac en pratique sage-femme. Donc, j'ai fait ma première année, comme vous, présentement sur le campus ici à Trois-Rivières. J'ai eu la chance de faire partie de la première année d'émission aussi de Connaître ensemble. Donc, c'est pour moi un plaisir d'être de retour à la radio ce matin. Et puis ensuite, j'ai fait 6 mois de stage en maison de naissance en Outaouais, dans le coin de Gatineau. Puis j'ai passé l'été en France dans une petite maternité dans le sud de la France, à Brignoles. Donc, voilà. Merveilleux. Alors, est-ce que tu pourrais nous éclairer, nous dire un peu comment fait-on pour développer une maison de naissance? Oui, alors c'est une question assez complexe comme l'accouchement des maisons de naissance, comme on peut l'appeler souvent. Donc, il faut savoir que c'est pas un processus défini, il n'y a pas une démarche claire encore pour le moment. Et puis, justement, parce que chaque région a ses particularités, ses besoins, et puis vu aussi la nouveauté du projet, mais aussi son caractère spécifique dans le système de santé. C'est vraiment une innovation du milieu communautaire, parce qu'une maison de naissance, c'est un lieu pour les femmes, les familles, où elles peuvent recevoir des services de sage-femme et accoucher si elles le désirent. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ça peut, si on le permet, les maisons de naissance peuvent vraiment devenir un cœur de la communauté en périnatalité, puis peut-être aussi recréer des liens de... Quand on dit que le tissu social s'effrite, c'est de recréer cet esprit de communauté-là dans un moment important qui est la venue des enfants au monde. Et puis, ce qu'on constate, c'est que les gens ne font pas seulement la demande donc de service de sage-femme, mais explicitement la demande de maison de naissance. Puis, ce que tu veux dire par là, c'est vraiment que les communautés disent ben on veut pas juste avoir des sages-femmes pour aller à l'hôpital ou qui nous accompagnent à l'hôpital ou à la maison. On veut vraiment la maison de naissance en tant que telle. C'est ça, cette entité-là qui peut donc devenir habitée par la communauté, par les sages-femmes, partie intégrante de la communauté, justement, pour plusieurs raisons. Bon, qu'on a énoncé du fait de leur particularité. Puis je reviendrai ensuite aussi sur l'importance de ce lieu-là. Puis souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que ce que les gens ont vécu en maison de naissance puis lors d'un suivi sage-femme, c'est tellement fort qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se regrouper, de permettre à toutes les femmes de vivre ça, tu sais, au Québec, puis plus largement, ce qui a donné lieu à beaucoup de mobilisations ensuite pour permettre des suites à femmes. Donc, une grande mobilisation citoyenne qui est devenue vraiment vitale, par contre, pour l'ouverture d'une maison de naissance. Puis ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a une expertise citoyenne qui a été développée avec le temps pour le développement de ces maisons de naissance-là. Comme c'est quand même des cheminements particuliers, mais il y a un processus qui peut être plus établi dans le temps avec des étapes pour faciliter là, les regroupements de gens qui peuvent parfois se sentir isolés à travers le Québec lorsqu'ils font des demandes de services sage-femme dans leur milieu, puis où parfois c'est pas connu ou mal compris. Donc, puis c'est important pour ces gens-là, c'est ça, qu'on facilite leur démarche pour qu'on puisse surmonter les potentielles embûches. Puis, mais c'est possible aussi pour des sages-femmes, par exemple, qui voudraient aller travailler dans une nouvelle région, d'aller s'adresser à l'agence aussi pour aller proposer un projet clinique. D'accord. Puis, concrètement, là, si en tant que citoyenne, si tu voulais développer une maison de naissance, comment ferais-tu, par où commencerais-tu ton projet? C'est une bonne question, puis je pense que beaucoup de gens qui se le posent. Puis, c'est pour ça qu'il y a le regroupement Naissance-Renaissance qui ont élaboré un guide qui est vraiment une perle, qui est disponible sur le web présentement, qui s'appelle mon guide de revendication d'une maison de naissance, naître au cœur de sa communauté. Juste pour vous donner une petite information, que le regroupement Naissance-Renaissance, c'est un regroupement de 35 groupes communautaires avec des champs d'action variés, mais dont le but, c'est de être la force de changement social pour amener l'humanisation de la période périnatale au Québec. Puis donc, dans naître au cœur de sa communauté, beaucoup d'outils que je n'aurai pas le temps de tout expliquer maintenant, mais ça vous donne une idée des étapes. Bon, de tout d'abord, on va vouloir se regrouper. On va vouloir aller chercher les autres femmes, les hommes, les familles qui ont un intérêt pour la pratique sage-femme, qui ont un intérêt pour le développement d'une maison de naissance. On va vouloir potentiellement s'incorporer pour pouvoir recevoir des dons puis avoir ce qu'on appelle un membership, là, établir des membres et tout ça. Ça va permettre d'être un groupe, de pouvoir parler en tant que groupe, etc., d'avoir une plateforme. Et avec ce groupe-là, à la base, on va vouloir identifier les besoins de la population, puis surtout les documenter. Puis c'est à ce moment-là que ça peut prendre aussi toutes les couleurs régionales de c'est quoi la réalité en centre urbain, les petits quartiers, une ville plus étalée ou en région plus rurale. Puis bon, par exemple, ça s'est souvent fait sous forme de pétition, mais il y a plusieurs idées originales aussi qui ont été faites un peu partout, qui sont documentées. Ensuite, on va vouloir sensibiliser la population pour recevoir le plus d'appui possible, en fait, puis aller chercher les alliés qui sont déjà là, les gens qui sont déjà ouverts à la cause, donc dans la population en général, mais aussi au niveau des professionnels de la santé de la région. Puis, et ça, souvent, ça veut dire concrètement expliquer la demande, donc la pratique sage-femme, puis la philosophie, puis les représentations collectives d'une maison de naissance dans la communauté. Puis ensuite, une fois que c'est documenté, que les besoins sont établis, on va aller pouvoir à l'étape plus de revendication, où là, on va vouloir aller cogner à plusieurs portes. C'est souvent au niveau du directeur général du CSSS, par exemple, d'aller convaincre les membres du CSSS, de l'Agence régionale de santé, puis éventuellement peut-être aller cogner aux portes du ministère de la Santé et des services sociaux. Parfois, on n'est pas obligé de le faire dans cet ordre-là, si on veut. Puis, Madame la chargée de projet à qui vous avez parlé tout à l'heure va pouvoir expliquer aussi les liens qu'ils ont entre eux, puis où une maison de naissance se place là-dedans. Mais donc, puis aussi aller chercher les députés, le maire parfois, parce que dans sa région, avoir une maison de naissance, où maintenant on parle d'un baby boom, ça peut aussi être un attrait pour les jeunes familles, ça peut être un atout de ce niveau-là. Donc, aller présenter la demande aux élus, aux gens, aux postes spécifiques. Et pour ça, on a des outils. Donc, utiliser par exemple les périodes de questions ou les postes d'usagers dans les services de santé. Puis, à travers tout ça, à travers ces étapes-là, essayer d'avoir une couverture médiatique le plus importante possible, justement pour diffuser le projet, puis recevoir plus d'appui aussi. Plus il y a de gens avec nous, plus on va être fort à ce niveau-là. Et c'est pas toujours dans cet ordre-là. C'est souvent, c'est une spirale qui va avancer, qui va aller vers le haut. Bien sûr, on l'espère toujours. Et donc, il faut accepter de revenir, de retourner à certaines étapes, puis de et de pas s'enfermer dans cet ordre précis-là, parce qu'il y a des projets qui ont débouché sans cet ordre-là, par exemple. Il faut pas oublier que c'est du travail bénévole. Et les gens ne seront pas des employés hein, dans ces groupes-là, donc ça dépend, c'est ça, du temps, de leur mode de vie, du temps qu'ils ont à consacrer. Souvent, c'est des jeunes familles, donc c'est important de se bâtir un groupe, de s'entourer pour ne pas s'essouffler, parce que présentement, c'est ça, on le sait, ça a été des longs accouchements pour les maisons de naissance qu'on a maintenant, donc il faut trouver des alliés aussi qui vont être sur la durée, sur le terrain. Puis pour ça, il y a le RSFQ aussi qui est présent, qui signifie son appui. Le RSFQ, c'est le regroupement des sages-femmes du Québec, qui est notre association professionnelle. Tandis que l'ordre vise plus la protection du public, l'association professionnelle, elle, justement, est plus au cœur du développement de la profession des sages-femmes. Donc, les groupes de femmes peuvent communiquer au niveau du RSFQ pour voir l'aide qu'ils peuvent recevoir là, sur le terrain, selon leur région. S'il y a des sages-femmes intéressées à venir travailler dans leur région, par exemple, c'est des choses qui sont possibles. Puis parce que je crois fermement que les sages-femmes et les groupes de femmes ont tout intérêt à travailler ensemble pour le développement des maisons de naissance, pour l'humanisation des naissances de cette voie-là aussi au Québec. Puis, il y a le groupe Maman, qui est souvent un endroit centralisateur. Vous pouvez des représentantes régionales, de groupes de citoyennes qui ont déjà démarré des projets, qui sont à différents endroits, justement, dans le processus. Et donc, de créer, justement, cet esprit d'entraide, même si on est dans des régions très éloignées au Québec, ça se passe beaucoup par le web, à ce niveau-là, avec ce groupe-là, qui mettent les gens ensemble. Puis maintenant, avec Facebook, de plus en plus, les groupes deviennent sur Facebook, vont aller chercher des appuis, vont pouvoir communiquer entre eux par là. Donc, je comprends que c'est vraiment important le réseautage, puis justement de faire des liens pour travailler ensemble, puis arriver à mobiliser la communauté. Oui, justement. Puis avec la Marche mondiale des femmes... En tout cas, cette semaine, moi, me vient à l'idée aussi, il y a les groupes femmes dans chaque région de la CSN qui sont aussi, qui ont beaucoup d'outils pour de la mobilisation pour les droits des femmes. Donc, on peut aller chercher, sensibiliser à la cause. C'est des gens auxquels on n'a pas nécessairement pensé. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous détailler un peu quels sont les projets de maisons de naissance en cours? Oui, avec plaisir. Alors, présentement, on a 3 chargés de projet qui ont été nommés, donc dans la région du Saguenay pour Chicoutimi, dans la région de la Naudière. On pense à Joliette et Mascouche pour des éventuelles maisons de naissance, puis en Montérégie pour Saint-Jean sur le Richelieu. Donc, on pourra présumer, c'est ça, que c'est des projets qui sont plus avancés, qui sont vraiment en branle sur la bonne voie. Puis, sinon, il y a plusieurs groupes à travers le Québec. J'ai pas la prétention de tous les connaître, malheureusement. Puis, il y a Objectif Sage-Femme dans Kamouraska, par exemple, qui demande des services de sage-femme. En Beauce, on voudrait pouvoir être desservis aussi. Les groupes, c'est ça, ils sont rendus, justement, aller voir le CSSS, aller voir l'Agence de services de santé, où on a démontré, justement, de l'ouverture pour des services de sage-femme, où on attend, il faut continuer d'être patient, il faut travailler dans le système avec tout le monde, convaincre les gens petit bout par petit bout. Il y a la baie des Chaleurs aussi, qui est en branle, qui a connu depuis un bon moment en Gaspésie, qui a connu peut-être un essoufflement après la période de base de sondage sur le terrain, qui maintenant semble vraiment reprendre de la vigueur et de la conviction. Appuyé de sage-femme qui aime bien la baie des Chaleurs et qui voudrait potentiellement y aller ou y retourner. Oui, c'est un très beau coin de pays. Hein? Il y a Naître à Laval, qui c'est assez récent leur incorporation aussi, qui veulent des services de sage-femme sur la rive sud de Montréal, parce que présentement, on a 3 maisons de naissance sur l'île de Montréal. 2 en fait. Mais c'est ça, pour desservir la rive sud. Puis il y a Pointe-Saint-Charles à Montréal aussi qui viennent de se regrouper pour demander là, des services de sage-femme avec une maison de naissance. Et Rosemont, Petite Patrie, encore une fois à Montréal, qui vont d'ailleurs faire un événement, là, lorsqu'on dit mobilisation pour aller chercher des appuis et tout ça, lors de l'Halloween, avec une conférence de presse, bon, avec la vice-présidente de l'OSFQ qui se représente, la présidente donc, du regroupement des sages-femmes du Québec. Hein, l'ordre et le regroupement travaillent aussi main dans la main pour le développement de la profession des maisons de naissance avec les femmes. Donc, on invite tout le monde aussi à se joindre à la cause à cette date-là. Et puis, donc ça se passe... oui, il y a des choses qui bougent à Montréal, qui bougent aussi en région. On aimerait... je ne suis pas au courant présentement de ce qui se passe plus sur la Côte-Nord, mais je sais qu'il y a eu des demandes depuis très, très longtemps, depuis bien avant la légalisation aussi pour des services de sage-femme. Entre autres, dans les régions éloignées où une maison de naissance puis des services de sage-femme est vue même à l'international là, comme un excellent moyen de pouvoir ramener les accouchements dans la communauté. Parce que pour les gens qui habitent éloigné, souvent, ça veut dire un déménagement quelques semaines avant l'accouchement, là, comme c'est vécu dans le Grand Nord pour les communautés autochtones aussi au Québec. Puis. Donc, ben merci, Sophie. Ça nous fait vraiment un portrait là, un peu de ce qui se passe un peu partout, soit à Montréal ou dans les diverses régions. Puis on invite les gens à se mobiliser dans leur communauté pour obtenir des services de sage-femme. Tantôt, j'ai parlé d'un des objectifs de la politique de périnatalité. Puis, je voulais savoir, toi, est-ce que tu as l'impression que le développement des maisons de naissance s'effectue selon les écrits? C'est dur de le voir concrètement sur le terrain. Ça, c'est évident, hein, parce qu'on parlait, tu l'as nommé tout à l'heure, de 13 nouvelles maisons de naissance. Depuis ce moment-là, il y en a seulement 2 nouvelles depuis ce moment qui étaient Limoilou et Blainville, et qui étaient des projets qui ont été entamés bien avant la sortie de la politique de périnatalité sous le gouvernement Charest. Et il y a toujours à Montréal, sur le plateau, à Jeanne-Mance, qui est d'un service de sage-femme et qui sont toujours orphelins d'une maison de naissance pour le moment. En fait, au C3S Jeanne-Mance, c'est qu'on peut recevoir un suivi avec une sage-femme et elle peut nous accompagner pour un accouchement à domicile ou à l'hôpital, c'est ça? Tout à fait. Mais il n'y a pas d'infrastructure de maison de naissance. C'est ça. D'accord. Les sages-femmes ont des bureaux, c'est ça, pour travailler, consulter et se réunir, qui sont, c'est ça, mis à leur disposition, bien sûr, par le CSSS, mais ils n'ont pas l'entité qu'on appelle la maison de naissance. Alors, on attend la suite. Puis, je pense qu'il est important, comme précision, en tout cas pour moi, qui m'aide à mettre en perspective les choses, c'est qu'une politique, c'est pas un programme hein, du gouvernement. Une politique, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire rattachée à ça. Mais c'est une intention qu'on lance. C'est des choix qu'on a mis par écrit, qu'on a fait. Mais je pense qu'on peut le voir aussi comme un contrat social entre le gouvernement et la population pour lequel ils peuvent être tenus là, de rendre des comptes, justement. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Il faut savoir que, bon, pour le moment, c'est pas une question... La question d'argent en est pas une qu'on juge réelle. C'est-à-dire que la pratique sage-femme est moins onéreuse en termes bon, de suivi, pour commencer, de suivi pour les accouchements, mais aussi pour la société en général. Parce qu'on a moins d'interventions, moins de complications, moins d'hospitalisations, des femmes et des nouveau-nés plus en santé. Puis là, ça, en comparant des populations à bas risque, hein, toujours, dans toutes les études qui ont été faites, on a un taux d'allaitement qui frise le 99 % souvent. Donc, et puis, il faut savoir, je veux juste rappeler aussi que le service de sage-femme, c'est déboursé par l'assurance maladie. Hein. Il n'y a pas de coût, il n'y a pas de frais à assumer par les femmes, les familles. C'est un choix d'avoir un suivi sage-femme comme d'avoir un suivi par un médecin ou par un gynécologue en centre hospitalier. Donc, si la question n'est pas vraiment au niveau des coûts, parce qu'on sait qu'à long terme, justement, c'est un choix qu'on veut faire pour notre société, parce qu'à long terme, ça va être rentable, mais aussi rentable socialement, pas seulement économiquement. Mais c'est plus la question de la sécurité non plus. Parce que, comme tu as parlé tout à l'heure, la pratique sage-femme sur ce modèle-là, en maison de naissance, au Québec, a été évaluée pendant 5 ans, a été entérinée par la légalisation, justement. On est encadré par notre loi de consultation et transfert aux besoins, donc d'où le besoin que chaque service de sage-femme ait aussi une affiliation avec un centre hospitalier aux besoins pour les services médicaux. Mais c'est aussi que lorsqu'on fait une revue de littérature récente et exhaustive, la question de la sécurité a été... peu maintenant, on devrait aller plus loin. Le débat n'est plus à ce niveau-là. Les preuves ont été faites. Alors, les gens qui reviennent là-dessus sans cesse doivent être envoyés à aller faire leur devoir. C'est ma conviction personnelle à ce niveau-là. Et on a une étude canadienne très pertinente, d'ailleurs, qui est sortie, je crois bien, en juin 2009, si je ne me trompe pas. Donc, Janssen, et là où c'est un modèle, justement, canadien, d'accouchement avec sage-femme. Ils ont aussi comparé avant un accouchement avec sage-femme dans l'Ouest britannique à la maison ou au centre hospitalier. Et donc, on voit... Quand tu dis c'est en Colombie-Britannique, c'est ça? Oui, le comparatif, OK. Le comparatif est en Colombie-Britannique, pardon. Merci pour la précision. Et puis, on voit une différence pour les mêmes intervenants. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la pratique canadienne en général. Pour les mêmes intervenants, pour le même type d'intervenant aussi, il y a une différence au niveau des interventions et des résultats des accouchements lorsque c'est à domicile, hors centre hospitalier ou en centre hospitalier. D'où l'importance du lieu. Le lieu a réellement sa place et son importance. Et donc, les maisons de naissance, moi, j'aime beaucoup toujours rappeler la formule qu'on veut que ça soit une maxi-maison et non pas un mini-centre hospitalier. Donc, ça se veut vraiment convivial avec ce sentiment de, justement, que ça soit chaleureux. Donc, il faut se rappeler que, justement, ça a été énoncé dans la politique de périnatalité. C'est un choix de société qu'on a fait pour les femmes, pour les bébés, pour les familles, pour notre avenir. Et on peut se questionner sur la lenteur et la lourdeur du processus. Où ça bloque et surtout, pourquoi? Je vais même juste personnellement jusqu'à me demander qui est dérangé par cette demande-là, qui ne cesse d'être répétée dans les années, qui a commencé dans les années 80 avec les colocs accouchés ou se faire accoucher et qui est encore présente dès maintenant. Qui est dérangé par cette demande-là des couples de s'approprier la naissance de leur enfant? Et puis, comme citoyenne sage-femme, je me demande aussi ce que je peux faire de plus pour l'avancement, pour le développement des maisons de naissance. Ben merci infiniment, Sophie. C'était très intéressant. Puis comme on voit, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. C'est en ébullition, le développement des maisons de naissance. Faudrait presque te réinviter pour une autre émission. Fait que vraiment, sincèrement, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton opinion avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, nous allons maintenant en musique avec la pièce « Le grand besoin » sur l'album « Je marche à toi » de Chloé Sainte-Marie. Et ce sera suivi d'une pause publicitaire. Ton sang, tandis qu'on file vers le grand, grand, le grand, grand vide égratigné, du grand, grand nord égorgé. Mille par mille, le chemin nous envahit, nos cœurs sont dans nos valises et dans les coffres forts de nos corps, et on file

Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. C'est fou, ça. Ça me donne le goût de danser. Hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique après. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 à Connaître ensemble, l'émission sur la périnatalité. Nous allons maintenant nous entretenir par téléphone avec Mme Catherine Gerbelli, chargée de projet pour le développement d'une maison de naissance dans la région de la Montérégie. Bonjour Mme Gerbelli. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très très bien, merci. Merveilleux. Donc, je suis très heureuse de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, en commençant, j'aimerais savoir comment vous avez été sélectionnée au poste de chargée de projet et depuis quand? Bien, ce qui est arrivé, c'est que l'année dernière, au mois de juin, donc en juin 2009, l'Agence de la santé et des services sociaux a ouvert un poste de chargée de projet pour le déploiement de services de sage-femme en Montérégie. Et donc, j'ai appliqué sur ce poste. Moi, j'étais sage-femme clinicienne à la maison de naissance Côte-des-Neiges et j'ai décidé d'appliquer dans le but de participer au développement des services en Montérégie. Excellent. Puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer en profondeur le rôle d'une chargée de projet, justement? Ben, le rôle d'une chargée de projet, en peu de mots, c'est d'élaborer un projet de déploiement des services de sage-femme qui soit un succès. L'idée, c'est de faire une proposition, de tenir compte de beaucoup de variables et de s'assurer que les services qui vont être déployés vont à la fois répondre aux besoins de la population, aux besoins des femmes d'avoir accès à des services de sage-femme, mais aussi de s'intégrer dans un réseau de services existants et donc de s'assurer que les services de sage-femme vont être complémentaires avec les services qui existent en périnatalité et que des mécanismes de collaboration sont mis en place dans le but d'assurer la sécurité des mères et des bébés et la concertation avec d'autres professionnels ou des groupes impliqués en périnatalité. D'accord, je vois bien. Puis, quelles sont les tâches associées à votre emploi? Ben, la première tâche, finalement, parce que les tâches évoluent forcément d'étape en étape, la première étape pour moi, ça a été vraiment une étape de me familiariser avec l'organisation des services en Montérégie, c'est-à-dire de quelle façon les services sont organisés, de quelle façon ils sont coordonnés, de comprendre ce qu'est une agence, de comprendre le rôle et la responsabilité d'une agence par rapport à un C3S. Ce qui a été, je dirais, très intéressant à mon arrivée, c'est qu'il y avait déjà des démarches qui avaient été mises en place par l'Agence de la santé et des services sociaux pour créer, mettre en place un comité de directeurs des C3S intéressés à développer des services de sage-femme. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment de découvrir l'univers dans lequel on arrive. Et dans un deuxième temps, c'est en tenant compte de ce que sont les réalités régionales et de qui sont les acteurs, d'élaborer un cadre de référence, donc qui est vraiment un document qui explique pourquoi et comment on pourrait déployer des services de sage-femme dans une région. D'accord. Puis justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la différence entre le C3S et l'Agence de santé publique et où s'inscrivent les services sage-femmes, justement? Mais en fait, le palier local, hein, donc ce qui est l'endroit où les services sont offerts à la population, c'est le C3S. D'accord? Donc, le C3S, c'est une structure qui a émergé au milieu des années 2000 et qui est le résultat de la fusion de plusieurs CLSC sur un territoire et en général d'un centre hospitalier et de, comment dirais-je, de CHSLD, de centre de réadaptation, de choses comme ça. Donc, c'est l'endroit où on donne des services à la population. Donc, les gens qui y travaillent sont des professionnels, des infirmières, des médecins, des ergothérapeutes, des psychologues, enfin, tous les gens qui sont impliqués auprès de la population. L'agence, c'est une structure régionale qui est responsable de coordonner la mise en place des services sur un territoire. Mais les services de sage-femme, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que l'agence a été, dans un premier temps, responsable d'évaluer sur le territoire de la Montérégie, qui compte 11 C3S, quel serait le C3S le mieux en mesure d'implanter les premiers services de sage-femme dans la région. Et ça, c'est un travail qui s'est fait en collaboration avec tous les C3S, mais qui était de la responsabilité de l'agence, de développer des critères et de dire, ben voilà, on pense qu'à cet endroit-là, on devrait d'abord déployer des services de sage-femme. Donc, l'agence offre pas de services à la population, mais coordonne l'organisation des services dans une région. D'accord, donc c'est l'agence finalement qui a créé votre poste. Exactement, et c'est... Moi j'avais déjà travaillé comme chargée de projet auprès d'un C3S. Là, le fait d'être chargée de projet dans une agence me permet de faire la différence et j'apprécie beaucoup le fait d'être dans une agence pour ce genre de projet, parce que ça permet d'avoir accès à des ressources très différentes et très importantes dans l'élaboration des services de sage-femme. Par exemple, de savoir en Montérégie quel est le C3S en ce moment qui a le taux de naissance le plus important, ou dans quel C3S on remarque une augmentation du taux de naissance par rapport à d'autres. Donc, par exemple, déployer des services de sage-femme, ça doit se faire, évidemment, dans un endroit où il y a un nombre de naissances suffisant, mais où on sait aussi qu'il y a une augmentation des naissances. Et ça, c'est des informations qui sont disponibles à l'agence, parce qu'à l'agence, il y a des gens qui travaillent sur la surveillance de la santé de la population, par exemple, et qui sont capables de fournir des données précises et très récentes. Donc, c'est très intéressant. Oui, donc les statistiques vous aident justement dans l'élaboration de votre travail. Absolument. Puis justement, ben, vous nous avez dit que bon, vos tâches, votre travail a quand même évolué au fil du temps, puisque ça fait 2 ans là, que vous êtes en poste. Donc, justement, quel a été votre travail là, concrètement depuis le début de votre mandat? Le travail le plus concret, ça a été d'élaborer un cadre de référence. Donc ça, c'est un document de 80 et quelques pages dans lequel est présenté différents éléments. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des sages-femmes en Montérégie? Donc, qui sont les sages-femmes? Parce que c'est important de savoir qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens dans le réseau de la santé, des gestionnaires, mais aussi des intervenants, des professionnels, qui connaissent peu les services de sages-femmes. Donc, il y a vraiment un travail de dire, voilà qui sont les sages-femmes, voilà le travail qu'elles font. Pourquoi est-ce que c'est un travail qui est important? Qu'est-ce que nous disent les études, etc., etc. Donc, il y a toute une partie que j'ai appelée les fondements du projet qui font référence à la spécificité des sages-femmes au Québec, qui est de travailler dans la continuité grossesse-accouchement postnatal et d'offrir le choix du lieu de naissance, mais aussi faire référence aux recherches qui ont été menées sur la pratique des sages-femmes au Québec, de faire référence aux besoins exprimés dans la population montérégienne, utiliser la politique de périnatalité du ministère, etc. Donc, il y a une partie qui aide sur quoi s'appuie le développement. Et puis, la deuxième partie qui est beaucoup plus pratico-pratique, qui est de dire, voilà comment nous pourrions déployer les services de sage-femme et avoir une maison de naissance en Montérégie. Et donc là, c'est ben voilà comment ça se passerait. Les sages-femmes font ceci, font cela, pourraient travailler avec des gens, avec d'autres professionnels, etc., etc. Donc, je dirais que la partie du projet qui est le modèle d'organisation du centre de maternité, il est à la fois le reflet de la pratique des sages-femmes au Québec, mais il intègre aussi les priorités de la politique de périnatalité. Excusez-moi. D'accord, puis j'imagine aussi qu'il s'adapte vraiment aux besoins et à la réalité de votre région. Exactement. Donc, par exemple, à quel endroit déployer les premiers services de sage-femme en Montérégie, sachant que la Montérégie est un territoire très vaste. Donc, la préoccupation, c'est que les services soient accessibles à une grande partie de la population, parce que ça va être les premiers services. Donc, ils ne pourront pas desservir seulement une population locale. Et ça va être important que des femmes d'autres territoires de ces trois S aient accès aux services de sage-femme. Et donc, ça veut dire implanter des services dans un endroit géographique, stratégique, à l'intérieur d'un ces trois S, évidemment, qui est intéressé et favorise le développement de services de sage-femme sur son territoire. Parce qu'au fond, le C3S, lui, il vient de prendre le contrat d'installer sur son territoire des nouveaux services en périnatalité qui sont les services de sage-femme. Donc, le C3S va être responsable du fonctionnement des services de sage-femme, mais les sages-femmes vont aussi rendre des services à des femmes qui viennent d'autres C3S, de la Rive-Sud ou d'autres régions, à l'intérieur d'un périmètre. Donc, il faut penser à beaucoup de choses. Parce que sur un grand territoire, les sages-femmes ne peuvent pas faire des visites à domicile à 60 km de la maison de naissance. Donc, quel est le territoire qu'on va desservir, à partir de quels critères, etc., etc. Donc, vous avez à réfléchir puis à établir aussi tous ces paramètres-là autour Exactement. De l'implantation plus technique. Exactement. Il y a des éléments extrêmement techniques. Rencontrer les architectes, déterminer les locaux qui vont être adéquats. Enfin, effectivement, je suis assez loin de la pratique clinique. Oui. Je me demandais justement, quelles sont les étapes à respecter là, dans l'élaboration d'un projet comme celui-là? Ben, les étapes à respecter, au fond, c'est celles qui sont associées à la soumission du projet et son acceptation auprès des différentes instances concernées. Je m'explique, par exemple, bon, produire une première version du projet, en discuter avec les gens qui sont responsables de... Parce que bon, moi, je ne prends pas de décision. Je n'ai pas un rôle décisionnel du tout à l'agence. Je veux dire, on a retenu mes services parce que je suis une sage-femme qui connaît ma profession, qui connaît relativement bien le réseau de la santé et des services sociaux. Et donc, je fais une proposition à des gens qui sont des gens qui vont décider si cette proposition est recevable ou pas et dans quelle mesure je devrais la modifier. Et donc, il y a plusieurs étapes pour que finalement ce projet soit accepté par l'agence et présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux pour recevoir le financement qui doit y être associé. Donc, les étapes, c'est des étapes d'acceptation du projet et d'intégration dans ce qui va être de nouveaux services dans la région, quoi. Je ne sais pas si j'ai été claire, là. Oui, tout à fait. Ben, on comprend que c'est un processus si vous n'êtes pas là à titre décisionnel, mais vraiment bien pour élaborer dresser le portrait puis élaborer le projet. Exactement. Oui, puis je me demandais, est-ce qu'il y a eu des contacts qui ont été établis avec différents professionnels de la santé justement dans votre processus? Absolument. Ça a été d'ailleurs une partie extrêmement intéressante de toute cette expérience, finalement, c'est que j'ai rencontré les professionnels, c'est-à-dire pas juste les professionnels, au fond, le C3S qui a été retenu en Montérégie pour développer des services de sage-femme est un C3S qui avait depuis 2 ans déjà mis en place un comité intersectoriel, je pense, de soutien au développement des services de sage-femme. Et donc, sur ce comité siègent des médecins de l'hôpital avec lequel les services de sage-femme vont collaborer, des directeurs d'enfance, famille, jeunesse, des chefs de programme, des infirmières, les organismes communautaires du C3S qui sont très importants parce qu'il y a une collaboration en périnatalité avec les groupes qui offrent déjà des services. Et donc, c'était très intéressant de voir comment ce milieu-là était mobilisé, intéressé, curieux de voir se développer sur le territoire des services de sage-femme et très envie de collaborer avec les sages-femmes dans, un transfert de connaissances et de vision par rapport à la périnatalité, etc. Donc oui, c'est absolument magnifique. Ah, ben c'est très encourageant et intéressant. Ouais. Puis pour conclure, comment on pourrait dire comment se passe le développement là, de votre projet puis des services sages-femmes? Je pense que le développement, c'est sûr que je ne peux pas vous faire d'annonce parce que de toute façon, s'il y a des annonces, ce n'est pas moi qui les ferai. Donc ce que je peux dire, c'est que pour le moment, je pense que c'est un développement qui se passe très bien dans le sens où l'élaboration du projet de déploiement des premiers services de sage-femme est fait et que en ce moment on est en train de réfléchir sur comment est-ce que dans une région comme la Montérégie ce serait possible de faire pour que l'ensemble des femmes du territoire aient accès à des services de sage-femme, ce qui voudrait dire de développer d'autres maisons de naissance et d'autres services à l'intérieur de la Montérégie. Donc, je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire à court terme pour offrir le plus rapidement possible des services de sage-femme aux femmes qu'ils souhaitent en Montérégie, mais aussi une vision à moyen et à long terme pour évaluer comment ces services-là pourraient se développer et être accessibles au plus grand nombre. Mais je vous remercie infiniment, Madame Girbelli. C'est la fin de notre entrevue. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Puis on souhaite une ouverture de services sages-femmes dans la région de la Montérégie sous peu. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne Merci journée. Infiniment. Au revoir. Au revoir. Nous avons appris cette semaine qu'en plus d'une chargée de projet dans la Naudière, cette région pourra bénéficier maintenant d'un groupe de sages-femmes graduées ou finissantes qui désirent travailler dans cette région. Sages-femmes Lanaudière a donc été créée au cours des derniers jours et continuera à prendre de l'expansion dans le paysage lanaudois. Le comité regroupant une dizaine de sages-femmes s'engage à promouvoir la profession sage-femme dans Lanaudière lors d'ateliers et de conférences et tiendra une chronique en périnatalité dans le journal régional. Dans quelques semaines, nous aurons la chance de nous entretenir avec Mme Marie-Yannick Dion, présidente de Sages-femmes Lanaudière. Pour plus de détails, vous pouvez visiter notre site web ou notre page Facebook. Les femmes et les familles désirant avoir plus d'informations sur le service Sages-femmes dans Lanaudière peuvent désormais communiquer avec Sages-femmes Lanaudière par courriel à sf.lanaudière@hotmail.com. Pour obtenir des réponses plus précises sur le développement du service sage-femme dans cette région, vous pouvez vous adresser directement à Mme Christine Saint-Onge, chargée de projet à l'Agence de santé de Lanaudière, au 450-759-1157, poste 4339. La semaine prochaine, l'émission aura pour thème le deuil périnatal « Prendre le temps ». Cette émission s'intéressera au cheminement des parents qui ont vécu la mort de l'enfant durant la grossesse ou la première année de vie. On vous invite justement à nous écouter la semaine prochaine, soit mercredi de 11h, de 10h à 11h sur les ondes de C'est fou 89.1. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé à cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Le temps des victimes, passe le temps des abîmes. Il faut surtout pour faire un mort du sang des nerfs et quelques os. Que finisse le temps des taudis, passe le temps des maudits. Il faut du temps pour faire. Vienne, vienne le temps des vivants, le vrai visage de notre histoire.